voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du très prolongé, il sera exactement lundi, heure normale de l'Internet. Ok, c'est beau le nom. En manchette cette semaine, Oli nous explique comment survivre à l'apocalypse. La toune à Yves Corbeil, mais à David. Et on transforme un lapin en princesse avec une toune de Viv Riven. Je suis avec une toune. Je peux ramener ce que tu en es. Et voici votre animateur, celui qui a même plus besoin d'être présenté tellement il est hot, beau, intéressant et roux. Je suis même pas roux. Voici Nar. C'est pas moi. Non mais non, c'est pas moi, c'est la description fait pas. Bon ben va-t'en. On va aller chercher une assiette qui est roux. Bonjour, je suis l'assiette qui est roux. Bonjour à tous. Ici Narf pour ce splendide podcast numéro 6. Et avec moi se trouvent mes deux fidèles acolytes qui ont toujours plein de choses intelligentes à dire quand je les prépare, c'est-à-dire David, allô, et Oli, c'est ça je disais. Je m'attendais pas à cette question-là. Comme je viens de tout juste de dire, c'est l'épisode numéro 6 et j'imagine que si vous nous écoutez depuis longtemps, ça doit allumer comme une petite lumière. Ah ah, 6, c'est un beau chiffre. Ouais, c'est... Pourquoi le chiffre fétiche de Narf? Moi? Mais c'est toi qui parles la ligne avec les hexagones, non? J'avoue. Mais c'est quoi ce triplet d'hexagones exactement? disons que ça a le rapport avec des lunettes. Bon, allez voir le wiki pour des détails. Est-ce que c'était écrit? C'est un coup de pub. Bon, allez voir le wiki régulièrement jusqu'à temps que ça soit écrit. Ah! Ouais. Parlant de hot, j'ai un excellent truc pour vous. Ça n'a absolument rien à voir, mais je veux vous en parler. Avez-vous été dans le métro, c'est Lionel Groulx? Ben oui, on y a été. Oui, mais je sais qu'on est tout le temps rendu là, ouais, c'est la zone de transfert. Avez-vous vu les super marques jaunes sur le plancher? Ouais, ils ont été enlevés, mais ils devraient les remettre bientôt. Oh! Ouais, parce qu'ils collaient mal. Ben là, ma chronique, elle marche pas. Mais ils vont les remettre. Je voulais juste... Ah bon, ben j'imagine que s'ils les remettent, je voulais donner un très bon truc. C'est que ces marques jaunes-là indiquent l'emplacement des portes pour qu'on se mette devant pour quand pour non, qu'on pas se mette pour empêcher les gens de sortir. Ouais. Ouais, hey, on met-tu des lemming bloqueurs en avant. Oh, ça serait chiant en maudit. Mais on fait un freeze de 5 minutes tous les marches. Oh. Ça serait drôle. Tout le monde va manquer la station. Non, mais on fait une chaîne humaine en se donnant toute la main devant les marques. Ça serait chier. Ça serait drôle. Le monde, il serait obligé de passer en dessous. Ou il nous verrait, puis il irait attendre d'ailleurs. Ou ben non, il nous tasserait tout simplement. Alors, idée future pour un flash mob. Tu sais que tu voulais en venir. Oui, là. Je voulais en venir. J'ai découvert quelque chose d'assez fantastique. C'est que ce n'est pas toutes les portes qui sont indiquées par des marques jaunes. Habituellement, il y a des marques, mettons, à toutes les 2-3 mètres, je pense. Mais des fois, il y a des trous. Pis y'a personne qui attend dans ces trous-là, même si il va y avoir une porte là quand le métro arrive. Alors, mon truc, c'est quand vous voyez un trou entre deux marques jaunes, allez attendre là et il va y avoir une porte, pis là vous allez pouvoir embarquer pis il va y avoir personne pour vous écœurer. C'est un bon truc, hein? Donc, les trous, c'est bien. C'est ça la morale? Ouais. Pourquoi pas? Ok. Ah ouais. Fait que les bangs, c'est cool. Ouais. Le trou de beigne aussi, parce que c'est un trou. Ah, c'est le trou du beigne. Sauf que si t'es ensemble, c'est rendu poche. Non, mais quand ils sont ensemble, d'habitude, ils sont fourrés, puis il y a un trou dedans pour les fourrer. C'est moi qui fourré. En tout cas, je pense qu'on va enchaîner avec le présent et avenir de la brigade SNW. Non, c'est pas le même jeu de mots douteux que tantôt. Non. Donc, on a découvert récemment qu'un événement assez fantastique, et David va nous en parler. Savez-vous quoi, les amis? Ça fait maintenant, je veux dire maintenant dans le passé, là, quand on l'a découvert, un an qu'on fait des podcasts. Il me semble que c'était en octobre, le premier. Oui, le premier est en octobre, le deuxième aussi, je pense. Ça a commencé en octobre. Ouais, mais ça il fait était, donc un mois. Il était super cool, il existe encore. Il y a la moitié qui est perdue dans la brume. Ouais. Et l'autre moitié, il parle de fromage. C'est de la faute à David et de Holly. On va sortir un album rétrospectif d'un an de podcast. Peut-être un jour. L'intégrale. Fait que sur là-dessus. Un DVD audio avec genre 8 heures de vidéo. Savez-vous ce qui est merveilleux avec ça? Quoi? C'est qu'on va enfin pouvoir mettre nos maudits sous-titres. C'est vrai. T'es-tu bon pour sous-titrer en klingon? Ben, je dis on, mais tu sais. Qui est une langue qui n'existe pas sur une planète extraterrestre. Qui est une langue qui se parle uniquement sur une autre planète qui n'existe pas. J'avais bien aimé quand tu l'avais dit, celle-là. En tout cas, donc, on va tout de suite enchaîner. Attendez, checker le lien. Checker le lien. On vient de parler de planète. Oli, tu veux nous parler de planète, je pense? Ouais, de la Terre, en tout cas. Tu dois chercher ton lien. Ben oui, je vous allez m'aider, en fait. On va essayer de trouver des trucs pour survivre à l'apocalypse. Oh. Je parle pas de nos 16 minutes d'apocalypse qu'on vit à chaque fois que ça serait bien d'avoir des trucs. Non, mais on est quand même assez hot pour y survivre. On est toujours là, même si on en a fait combien? 5, oui. 6? Je parle pas de nous, je parle des autres. Ouais, ça, nous autres, on est hot, mais ouais, à nos 16 minutes. Ben, c'était pas ça que je voulais dire. Donc, on ne fait pas ça pour rien. Donc, comme vous savez, les gars, ben, tu sais, j'étudie en super géographie. Hein. Oh, c'est avec Superman qui donne les cours. Dis juste oui, puis continue. Je juste dire comme que je suis comme le reject qui étudie pas en cinéma. Hein. Ah, ok. Bon. Oui. Ah. Donc, j'ai. Bon, les cours qui sont plates comme dans n'importe quoi, mais j'ai un cours qui est particulièrement intéressant et qui s'appelle, ça te fait peur, je sais, là, j'avais peur au début aussi, hein. Ça s'appelle géophysiologie. Ah, c'est tout? Non. Je pensais que c'est la géographie de l'apocalypse qui tue. Ça fait peur! J'avoue. Mais, non, c'est parce qu'on a vu des choses bien intéressantes. Encore! Tu l'avais pas éteint? C'est juste normal, hein. La géographie de l'apocalypse. Dans ce cours-là, ouais. Donc, dans mon cours de physionomie géologique, celui que j'ai nommé, là, que j'ai oublié, ben, on a vu des trucs bien intéressants que je voulais vous parler. Puis en même temps, je me suis rendu compte que c'est des choses comme qui pourraient comme détruire, ouais. Nous inspirer. Non, mais en fait, c'est comme des vous allez voir. Ok. Moi, j'ai très hâte. On va aboutir à des scénarios catastrophes. Cool. Parce que notre prof nous expliquait des trucs. Est-ce qu'il parle de la destruction du micro-ondes de la mort? Oui! C'est le genre d'émission qui ferait passer à TQS. Oh! C'est le tunnel de l'enfer! Laissez-moi parler! Go! Donc, mais en fait, au début, je voulais juste raconter des trucs cool que j'ai appris, mais tu sais, je veux dire, à partir de ça, on va apprendre comment survivre avec l'apocalypse. Comme, entre autres, au début de la session, là, il nous expliquait que, tu sais, bon, vous savez que la Terre tourne. Je vous apprends rien. Ben. Hey, la Terre est ronde! Elle est pas hexagonale! Fou! J'ai un chandail qui me prouve que la Terre est hexagonale! Bon. Ok, ça va être là. Ok. Donc, la Terre tourne, dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. La Terre tourne dans un sens. Elle tourne. Puis, le noyau de la Terre. Parce que le noyau, c'est comme une grosse boule de métal, là, puis autour de ça, il y a de la lave, là, vous savez. Du magma. Du magma, du méchant magma. Puis là, c'est un drôle de mot, hein, magma. Magma. Magma. Fire blast. Bon, ça se trouve qu'on est passé Pokémon. Donc, le magma tourne? Non, la Terre tourne, le noyau solide, là, au milieu, là, il tourne aussi, mais... Dans l'autre sens? Plus vite que la Terre. Oh, shit. Ou moins vite. En tout cas, il tourne pas à la même vitesse. Je m'en rappelle plus. Mais il tourne pas à la même vitesse. C'est quand ton examen? Il y a 6 mois. Okay. Non, pas il y a 6 mois. En tout cas, il tourne pas à la même vitesse. En tout cas, je sais plus ce que je veux dire avec ça. Là. Mais je sais qu'il tourne pas à la même vitesse. Mais je sais surtout que, à la longue, là, genre, il disait, il y aura plus de noyau liquide. Okay? Il va tout se solidifier. Parce qu'il se solidifie un petit peu à chaque année. Puis c'est à sens unique, ça. Fait qu'il dit, à un moment donné, tu sais, il n'y en aura plus de noyau liquide. Ouais. Va-tu être solide? Puis il dit, c'est justement comme ça sur Mars actuellement. Tu sais, on pense que le noyau, ben c'est ça qui est arrivé, c'est tout solidifié. Fait que là, ça veut dire que si le noyau se solidifie, ben, on va tous mourir. C'est quoi le rapport? Parce que ça va faire comme sur Mars, puis sur Mars, tout le monde est mort. Ouais, l'eau va geler. C'est... Parce que ce prof-là, il y a plusieurs fois qu'il nous contait des affaires, puis il nous disait... Il nous donnait des idées de scénarios pour des films catastrophes. Vous avez essayé les scénarios, vous autres, là? Ah, quoi, cool, pour les films catastrophes, par exemple? Tunnel de l'enfer 4. Est-ce qu'on peut pas faire un ersatz de film? Ah, ta gueule, avec les mots compliqués. Vous voulez plus dire un beau mot? Ça fait que c'est ça, fait écoute, on pourrait faire un film. Le mot est pas beau, il est légendaire. Moi, je suis bien partant de faire mais, un film. Mais la question, c'est pas de faire un film. Si on s'en fout, c'est pas intéressant dans ma chronique. Mais donc il faut arrêter le noyau de tourner. Non, non, mais il se serait tout solidifié. Ok, donc le noyau se solidifie. Ben la Terre va, je pense qu'elle va refroidir, mais je suis pas sûr. En tout cas, ça va être dangereux. Mais là, vous pourriez faire un film, puis là, on va discuter du scénario en essayant de trouver comment on pourrait survivre à ça. Okay. On va avoir 2-3 exemples d'apocalypse même. Cool. Comment on pourrait survivre à ça, vous pensez? Alors, en transformant en personne que ça les dérange pas. Non, il y avait un film, là, il allait creuser un trou, il mettait une bombe, puis là, il faisait ah, ouais, le noyau. Ouais, ben, c'est pas parce qu'il y avait plus de noyau, là, c'est parce qu'il avait arrêté de tourner. Celle-là, j'ai pas trouvé de solution, mais ce que je voulais vous dire, ce qui est intéressant avec ça, par exemple, c'est que vous savez, la NASA veut organiser des voyages sur Mars. Ah. Ben, se rendre sur Mars, ça va prendre quoi, 6 mois? Mettons. Ça va être long en Chine, là. Ben, ils ont juste à attendre. Pourquoi? Parce que quand il n'y aura plus de noyau, là, ben la Terre, elle va être comme Mars. Fait qu'il y aura juste à explorer la Terre. Fait que dans le fond, à la place de faire des voyages sur Mars, ils pourraient créer une machine à voyager dans le temps. Pour aller dans le futur. C'est bien plus simple. Explorer la Terre. C'est tellement plus simple. Ben écoute, je veux dire, faire des fusées pour aller sur Mars, d'ici à peu près 10 ans, ils vont être capables. Des machines à voyager dans le temps. Ouais, mais quand ils vont l'avoir fait, ils reviendront dans le temps pour nous l'amener. Mais hein? Ça veut dire qu'on l'aurait déjà. Ouais. Non, mais ils vont revenir dans le temps. Mais ils doivent avoir une bonne raison. Bientôt, là. En secret, parce que le gouvernement ne l'a pas dit. Ah. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant d'écrire? Ok. Ah oh, oui, on a fait ça. Puis ça, là, c'est peut-être pour bientôt. Là. Pas pour ça, là, d'autres choses. Parce que, on a parlé aussi, vous savez que la Terre, c'est comme un gros aimant. On vous l'a dit plein de fois au primaire. Ah ouais. C'est pour ça que la boussole. Je sais pas, j'écoutais pas au primaire. Moi, je me souviens juste du cycle de l'eau. C'est pour ça que la boussole, elle pointe au nord. Ouh. Et là, ce qui est cool, là, c'est que des fois, là, les pôles, là, ben, ils swappent. Ouais. Ils font ça souvent? Ils switchent de bord comme ça, pouf! Ça, ils font pas pouf, là. Mais ce qui se passe, c'est que le champ magnétique diminue. Oh, ils changent de bord! Ok. Puis ça, ben. Souvent, ça? Ça, des fois. C'est pas régulier. À toutes les mais ce qu'il faut savoir, c'est pas régulier. Mais ce qu'il dit, là, le prof, c'est que justement, ça diminue avant. Et après ça, quand ça diminue, ben, soit que ça remonte ou que ça change de bord. C'est comme une surprise. Oh. Présentement, il nous a montré la courbe là, du champ dans les dernières années. Puis là, il dit, elle descend. Cool. Puis là, il est descendu beaucoup depuis 2000 ans. Fait que ça se peut que demain, on se réveille, puis le pôle Nord soit rendu au pôle Nord. C'est plus que 2000. J'ai dit 2000, mais c'est pas ça. Ok, je m'attendais à ce que ça arrive, genre, demain. Non, mais elle a descendu beaucoup. Ça se pourrait que... D'ici à peu près combien de temps? Non, mais attends, ça veut dire que je veux savoir si faut que je m'inquiète ou si mes enfants vont s'inquiéter. Peut-être que tout à coup, ça va switcher de bord. Mais pourquoi faudrait que tu t'inquiètes que ta boussole indique le sud? Peut-être que demain, vous allez vous réveiller demain, puis ben, le pôle Nord va être au pôle Sud. Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Ben, ça change premièrement si tu prends l'avion, le pilote va être fourré en salle. Ben, avec les GPS, c'est moins pire. Mais imagine, là, quand tu vas suivre une carte routière, là, ça va être marqué nord par là. Fait que tu vas tourner de bord. Ben, non. Mais là, non, c'est juste à changer le mot nord par le mot sud. C'est pas si fourrant que ça. Non, hein. Ouais. Moi, je trouve que t'as l'apocalypse un peu faible aujourd'hui, ouais. Là. Ben là, c'est tout? Ben là... J'arrive tout gâché, mais on s'excuse, là, mais moi je trouve que c'est pas très dramatique. En as-tu d'autres scénarios catastrophes? Parce que ça fait pas un très bon film. Ouais, ben là... Le film. Je vois ça, tout le monde va mourir demain matin. Le pôle Nord, non, le pôle Sud. C'est tout. Ben là, le prof nous a donné une idée de scénario, par exemple. Parce qu'il nous avait expliqué... Bon, à cause du champ magnétique de la Terre, il y a un paquet d'affaires que on s'en fout, là. En gros, OK, du côté de la Terre opposée au Soleil, là, il y a comme une colonne de plasma, là. Que par là, il y a de l'eau qui s'échappe de la Terre, OK? Attends, quoi? Il y a une colonne de plasma. Où, ça? Mais du plasma, là, c'est pas comme des rayons de fusil laser de bande dessinée. Oui, ils montrent ça dans Metroid quand tu parles de plasma. Non, le plasma, c'est comme un des autres états de la matière, là, je sais pas. Mais en tout cas, il y a comme une colonne ben, de ça. Ben, chou. Genre, en tout cas, il y a une colonne de ça. Puis, par là, il y a l'autre bord de la terre. Hein. Je veux y aller. Bon. Puis, mais non, mais elle tombe pas au sol avec un pot d'or au pied. Hein. Par là, il y a de l'eau qui s'échappe de la terre. Dis, c'est la seule place qu'il y a vraiment de l'eau qui s'en va de la terre dans l'univers. Donc là, il disait, c'est tellement négligeable que la quantité d'eau qu'on a perdue depuis la création de la terre est négligeable. Okay? Oh shit. Puis, il disait, okay. Là, avec ça, vous pouvez faire un film catastrophe. Imaginez, là. Pour une raison quelconque là, que vous trouvez, là. Mais là, la perte d'eau à la colonne de plasma s'accélère. Oh. Là, il y a un scientifique qui avait prévenu le gouvernement que ça allait arriver. Ah, oh, les gaz à effet de serre. Mais là, le gouvernement, il écoutait pas. Mais non. Fait que là, ben, c'est quoi, ça arrive. Le gouvernement, ça fait là, tout ben, le temps ça pour là, y... les quelques rejects gentils du gouvernement, ils vont le voir pour lui demander de l'aide là-dedans. Il y a une belle fille sexy, là. Puis là, oh. Il demande de l'aide, puis là, ben, là, évidemment, il réussit à sauver le monde à la dernière minute. Puis à la fin, ben, il s'embrasse. Bon. Ben, ça m'inquiète un peu. Je veux dire, t'as beau dire que c'est négligeable. Moi, je trouve que c'est. Bon, en tout cas, on n'a pas trouvé de solution, encore une fois. Bon. Mais attends, juste vous dire, j'en ai quand même une solution pour un problème qui pourrait arriver, là. Okay. Tu sais, il arrête pas, le scientifique arrête pas de nous dire, là. Ah, les glaces fondent, les océans vont monter, mais on va tout se noyer, hein. Ah, mais tu utilises la colonne de plasma pour chipper notre l'eau qui en a trop. C'est une bonne idée. Moi, j'aime tout mon dos de stiquer la colonne de plasma. Ben, je trouve ça hot. Écoute, là, dans ma tête, là, il y a un vaisseau spatial qui tire des rayons de métroïdes, là, qui aspire toute l'eau. Ben, ils viennent nous voler notre eau, les éclats. Écoute, ah, comme dans WeJet. Je trouve ça trop hot. En tout cas, non, c'est quoi ton affaire? Non, mais moi, mon idée, écoute, ça doit être plus intéressant quand j'y ai pensé. Mais je veux dire qu'on a juste comme à mettre des flotteurs en dessous des continents. C'est comme ça, le niveau de l'eau, il peut monter, il peut descendre, on s'en fout. Ah, c'est pas pareil. Dire, en dessous des continents, ça veut dire qu'il fallait mettre ça dans le magma. Ben, on pourrait, dans le noyau qui refroidit. Ben oui, non. Mais on peut pas parce que le noyau, il est rendu dur. Ouais, c'est ça, il va se tasser. Hein? Oh! Hey, c'est vraiment catastrophique. Le monde est sur le point de sécher. Bon, moi je veux juste savoir. Je pense que j'allais me suicider dans que je plasma. Moi je veux juste savoir une petite affaire, ok? Hey, c'est pas bête ça. Peut-être que la colonne de plasma c'est pas juste de l'eau, c'est peut-être que les arbres. Ouais, elle va me voler mon eau. C'est peut-être le chemin vers le paradis. Comme dans. Elle va te voler ton eau, tu vas te téléporter. Oh! Bon, en tout cas, j'ai juste une petite question pour vous en terminant là. D'après vous, là, la Terre, elle a quelle forme? Hexagone. Non! Non! Ronde! Ben non! Parce que bon, il y a des affaires plates là, qui disent. Quand on est petit, on nous dit la Terre est ronde. Là, on arrive au secondaire, on nous dit non, elle est pas ronde, elle est aplatie parce qu'elle tourne vite. Puis là, ben j'ai appris que non, elle est en forme de mouton. Ah! Ben, c'est juste ça que je voulais vous dire. Moi, elle est en forme de mouton. Intriguant! Ben, puis le prof, il appelait ça un géoïde. Puis il nous a montré une image, puis j'ai fait, ben, c'est un mouton. C'est qu'elle est en forme de mouton. Ok, Ali, je veux absolument que tu nous trouves une image, puis on va la mettre avec le podcast, parce que je veux voir ça. Ok, en tout cas, on va avoir une image de mouton. Oui, j'arrête pas, hein. Sur ces belles paroles apocalyptiques, on va se mettre un peu de joie dans notre cœur. On va se mettre un peu de joie dans notre cœur avec la toune à David, qui, en tout cas, je l'espère, va nous remonter le moral. Donc, c'est quoi ton mot cette semaine? Cette semaine, mon mot c'est cruche. Tu vois trop d'annonces dans le métro? Ouais. Moi, mon mot c'est. Mon nom, c'est Yves Corbeil. Puis moi, j'imagine que c'est parce que j'avais une crête ou j'avais pas vraiment d'inspiration, mais mon mot c'est dehors. Dehors. Cruche et Yves Corbeil. C'est l'histoire d'un gars. Non, mais. Donc, ça risque d'être Yves Corbeil. Non, mais. C'est toujours Yves Corbeil. Non, mais vu que le pot de casquette va sortir dans le coin de Noël, j'ai décidé que je ferai une toune de Noël. Oh, c'est bon. C'est bon, ça. C'est hot, on m'a dit. Est-ce que Yves Corbeil va animer comme la roue de fortune chez vous à Noël? Non. Ah, il part nous sur l'aide. Y a des gens qui pensent que Saint-Ca, c'est le Père Noël. Mais non, c'est Yves Corbeil. Il vend des meubles. Pis non plus, y'a pas vraiment de sac. Ben non, lui, il met ses cadeaux dans une cruche. Pis là, il s'en va dehors pour te donner des cadeaux à toi, Nap et Oli. J'ai plus vraiment d'idées pour ma tour. Ok, arrête ça là. Mais moi, j'ai une question là. Je dis que tout le monde pense que le Père Noël c'est Saint-Nicolas, mais non, c'est Yves Corbeil. Ouais. Mais Yves Corbeil, c'est-tu le Père Noël ou c'est Saint-Nicolas? Ouais. Les deux, j'avoue. Moi aussi. Yves Corbeil, il est Saint-Nicolas ou Yves Corbeil, il est Noël? Là? Les deux. Il est Noël. Il est le Père Noël. Il est les deux. Mais d'abord, le Père Noël, c'est Saint-Nicolas? Non. Hein? C'est... Non, non. Regarde, ok. Okay. Si, je disais, si je te disais que Bruce Wayne, c'est Batman, pis c'est Superman. Superman, c'est pas Batman. Fait que Yves Corbeil, c'est Saint-Nicolas, pis c'est le Père Noël, mais le Père Noël, c'est pas Saint-Nicolas. Parce que c'est deux fausses identités. Il y a comme deux identités secrètes. Ouais, wow! En fait, Yves Corbeil, ils ont une identité secrète. Wow. Mais il y a deux personnages qui ont la même identité secrète. Ouais. Deux personnages qu'on croyait être les mêmes. qui en fait ne sont pas les mêmes, mais ont la même identité secrète. J'ai rien compris. Donc, on va enchaîner tout de suite sur cette incompréhension générale. En tout cas, la mienne. Avec, ah oui, on a reçu plein un. Plein au singulier. Plein de un message. On a juste reçu un message. On a reçu un message, mais on l'a vraiment beaucoup reçu. Tu vois, on l'a écouté plein de fois. Mais en fait, on se demande c'est qui nous l'a envoyé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé un message. En fait, on va l'écouter tout de suite, puis on en parle tout de suite après. Ok, donc vous avez entendu comme nous ce message-là. On sait pas trop qu'est-ce que c'est que c'est supposé vouloir dire. Si vous avez compris, appelez-nous. Ouais, oui. 5-4-9-0 pirate. Mais essayez de comme laisser un message qu'on va comprendre. Tu sais, sinon on va juste pas comprendre puis on va encore poser la question. Mais c'est peut-être un message à l'égradie. C'est comme censé. Peut-être une tactique de nous faire oublier des choses. C'est pas aussi. C'est comme une formule comme hypnotique. Ouais, c'est ça. Ah, là, en broadcastant ça dans nos podcasts, ça va tout hypnotiser tout le monde. Et puis on va nous voler nos cadeaux de Noël. Too bad. For you. Je pense qu'on a pas mal fini. on va terminer ça vite parce que il me semble que ça fait longtemps qu'on parle. Alors, on va terminer ça en beauté avec une toune remplie de soleil qui n'a pas en tout rapport à Noël. Ce qui est une toune qui... c'est une toune qui était dans le jeu Vib Ribbon sur PlayStation. Ça, c'était. Qui est malheureusement pas sorti en Amérique, le jeu, là. Mais qui se télécharge très certainement sur Internet. En tout cas, c'est un espèce de DDR, mais en plus haute, là. Puis, ben, c'est ça, la toune s'appelle. Sunny Day. C'est quoi ça, Lost in Peace? C'est le nom du groupe. Ah. C'est toi qui es supposé en parler, c'est moi qui donne les informations. Donc, comme je le disais si bien, Anarf, c'est une tune qui s'appelle Sunny Day du groupe Lost in Peace. C'est un groupe japonais qui ont composé d'autres tunes à part Lost in Peace. Non. qui ont fait d'autres tunes. Il était connu genre underground, puis après ça, le jeu les a un peu plus popularisés. Okay. Et ils ont fait d'autres disques depuis. Il était connu underground au Japon, puis ils ont été popularisés un petit peu par un jeu underground en Europe. Donc c'est sûr que vous les connaissez. Donc c'est ça, c'est une très bonne tune, puis on va en écouter un extrait. Et on termine là-dessus. C'était David. Narf! Et Oli! Pour le surpuissant, pas de casquette numéro 6, on fête en grand. I'm haïku de la semaine. Tourne et tourne encore. Yves Corbeil, dans le plasma, s'élève vers les cieux. On écoute la toune Sunny Day du groupe Life and Peace, disponible sur le site officiel de VibRibbon au VibRibbon.google. C'est exactement ça. Bon, les patates. C'est bon de faire du montage. Ouais, ou des frites. J'ai peur des frites. Ah, c'est vrai. Les frites. Ce sont les frites. Elles sont partout. Ouais. C'est les gnomes voleurs de slip